beaucoup moins d'avantages que la maison mère, si je puis dire. Il n'y a pas de service collectif, etc. Il n'y a pas de jardin. Zola va visiter l'entreprise de Guise et il conclut « Défiance du voisin, pas de solitude, pas de liberté ». C'est peut-être ça le vrai problème. Quant à Engels, le compagnon spirituel, si j'ose dire, de Marx, vous savez, il affirme que le familistère est un simple instrument de l'exploitation ouvrière. Il arriverait donc à l'inverse de sa finalité initiale. À la fin du 19e, le familistère a beaucoup, beaucoup décliné. Il va doucement dépérir jusqu'à fermer. Le familistère finira par n'être plus qu'un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques de Fourier, nous dit René Sédillot. Le doux poète avait calculé que 2 985 984 falinsters seraient nécessaires à la population du globe. On est loin du compte. Mais Fourier laisse un nom, une œuvre, une idée. Bonjour Jean-Michel Rioux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, votre ouvrage, 10 000 jours pour l'humanité, part un peu du même genre d'urgence à s'entendre et à améliorer la condition humaine, la société, etc. Ça fait partie de ces grandes utopies du 19e. On y reviendra tout à l'heure. Un mot peut-être de ce Fourier d'abord, oui. qui aurait été assez vexé de la manière un peu ironique dont je me suis permis d'aborder son œuvre. Il était convaincu, lui, d'œuvrer vraiment pour le bien de tous. Et son idée n'était pas utopique, selon lui. Elle était au contraire très réalisable. Il ne l'a pas réalisée, néanmoins, de son vivant. Oui, il fait partie de ces gens qui, au fond, se disent, dans ce siècle éblouissant sur le plan du développement, du progrès, de l'industrie, etc., il fait donc partie de ces gens qui se disent, qu'est-ce qu'on va faire du progrès ? Est-ce qu'on va le garder pour le profit ? Est-ce que toutes ces techniques, etc., voilà, c'est ça. Voilà. Il faut savoir qu'on invente l'électricité, on invente le chemin de fer, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces inventions et de ce progrès ? Cette industrie incroyable, est-ce qu'on va maintenir la classe ouvrière, appelons-la comme Engels, vous en parliez tout à l'heure, ou Marx en parleront, est-ce qu'on va la maintenir dans un état de pauvreté absolue, ou bien est-ce qu'on va partager ce progrès ? Donc Fourier, au fond, c'est une utopie, mais qui est partagée par Saint-Simon, on va en parler, mais par beaucoup d'autres, et aussi que partage Jules Verne, parce que pour lui, le progrès, c'est quelque chose qui permet d'aider l'ensemble de l'humanité. Eh bien, au fond, cette idée, elle est très noble. Donc, je ne suis pas l'avocat de Fourier, Et elle a eu un certain nombre d'applications. On peut songer à un certain nombre d'architectes du XXe siècle, par exemple, qui vont d'une certaine manière reprendre un certain nombre des idées du phalanstère de Fourier. Je pense à Le Corbusier, bien exactement. Sûr, mais il n'est pas le seul. J'y pensais, oui, exactement. Oui. L'idée de la cité ouvrière noble dans laquelle les gens se trouvent une forme d'harmonie est quelque chose, en effet, qui prend un sens, y compris au XXe siècle. Donc, c'est vrai qu'il y a une utopie. Il y répond d'une manière parfois un peu excessive ou un peu trop poétique, on va dire. Mais en même temps, quel bonheur de voir quelqu'un qui essaye de trouver, au fond, d'apporter des solutions. Et au fond, ça a quand même un certain retentissement, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, regardez Woodstock, par exemple, on peut imaginer, c'est une traduction, un peu poétique. Pendant l'interruption, vous parliez des zadistes, enfin, vous savez ça. Oui, les zadistes, on peut imaginer. Mais avec quand même une différence, c'est que Woodstock ou les zadistes, il y a une déstructuration volontaire des liens sociaux. Alors que là, en l'occurrence, il y a plutôt la réorganisation de la société sur un mode qui, entre nous soit dit, est peut-être plus contraignant encore. C'était la réserve qu'avait émise Émile Zola, plus contraignante encore que la société bourgeoise classique, en fait. Hein. Oui, absolument. Mais on part de si bas. Alors après, on peut contester la dimension militaire de cette affaire, mais on la retrouve aussi chez Saint-Simon. On la retrouve aussi chez Jules Verne, si on en parle tout à l'heure. Il y a cette dimension un peu militarisée de la société, mais au fond, on part de si bas. Donc, quand Fourier dit l'hygiène, c'est quelque chose de fondamental, la propreté, l'éducation, l'enseignement aux enfants, etc., l'apprentissage, tout ça, ce sont des nobles vertus. Donc, au fond, c'est vrai qu'il faut un peu organiser tout ça. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on peut se poser lorsqu'on évoque Fourier. Au-delà du caractère un peu folklorique de son phalanstère en tant que tel, et nous verrons tout à l'heure ce que ça a pu donner dans la version réalisée du familistère de Guise, au-delà de cela, est-ce que ce ne sont pas les idées qu'il émet, idées sur l'éducation, idées sur le partage d'un certain nombre de richesses, idées sur la famille, idées sur la sexualité. Est-ce que ce ne sont pas ces idées-là qui ont eu le plus grand succès finalement ? C'est-à-dire qu'il a, à une époque où ces idées étaient absolument impossibles, inenvisageables, il les a émises clairement, lui, tout de même. Oui, absolument. Je pense que la traduction architecturale de cette société, le règlement intérieur tel qu'il est établi, sont tout à fait discutables et même prêtes d'une certaine façon, a une pointe d'humour. Mais le principe de cette société idéale, de cette société humaine, de cette société qui partage, ça c'est quelque chose qui parle à tout le monde et tout le temps. Au fond, finalement, c'est le côté prophétique de, ou néo-prophétique de Fourier, il est là. C'est-à-dire que c'est plus sa société qui est intéressante par les valeurs qu'elle porte que la traduction en effet d'un immeuble grandiose. Le vrai penseur de tout ça, au-dessus de Fourier, si je puis dire, c'est bien Saint-Simon, c'est le fondateur de ce saint-simonisme. On va en parler dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Sur Europe 1, cet après-midi, nous sommes au cœur des grandes utopies du 19e siècle. Nous découvrons le phalanstère de Charles Fourier, mais pas que. Vous êtes déjà très nombreux à réagir à cette émission étonnante. Et nous découvrons ces grands projets avec votre invité, Franck Ferrand, Jean-Michel Rioux. Il est écrivain, romancier et auteur de 10 000 jours pour l'humanité, un livre paru chez Plon. Je me suis permis tout à l'heure de faire d'établir un léger parallèle entre le phalanstère tel que Fourier l'imagine et les grandes créations de monastères au milieu du Moyen-Âge, il y a un peu la même volonté. Hein. C'est toujours la question de savoir comment une communauté humaine peut vivre dans de la manière la plus harmonieuse, la plus fructueuse possible, en fait. Ce sont de belles questions que pose Fourier, même oui. Si certaines des réponses nous amènent à sourire, sans doute. Oui. Alors, je parlais de Saint-Simon. Il faut peut-être dire un mot de ce penseur, de ce grand penseur, Jean-Michel Rioux. C'est-à-dire que nous sommes là au moment où la technique est en train de l'emporter dans la société. Oui. Et où la Révolution française fait vaciller la vieille société sur ses bases. Oui, absolument. Alors, Saint-Simon, on a dit que c'était le dernier aristocratique et le premier socialiste. C'est ça. C'est un arrière-petit-neveu du célèbre Saint-Simon dont on parle d'habitude, celui de Louis XIV et Louis XV. Tout autre personnage, tout différent. Oui, alors c'est quelqu'un qui en effet, lui aussi il fait le constat de cette société qui est en plein bouleversement sur le plan de l'organisation économique et sociale, et qui se pose les questions de savoir est-ce qu'on peut maintenir l'humanité dans un état, il n'emploie pas le terme de prolétariat, mais de prolétarisation, il ne le dit pas parce que c'est pas lui qui va l'inventer, mais dans un état de misère. Et il se pose les mêmes questions, c'est-à-dire l'hygiène, l'éducation, la formation. Au fond, c'est quelqu'un qui d'abord a une recette, lui, qui est simple, qui dit toute la solution, c'est le travail et le talent. Donc, en gros, il place le travail au centre je dirais presque de la terre, de l'homme, bien sûr, mais de la terre. Il dit, il faut coloniser la terre. Jules Verne le reprendra, je crois, lui ou un de ses très proches dira, il y a peut-être des régions inhabitées, mais il n'y en a aucune qui est inhabitable. Donc, au fond, le travail, l'industrie, l'effort récompense. Mais il faut partager cela. On ne peut pas réserver ça à une poignée d'investisseurs, aux rentiers. On ne peut pas tout donner à la rente. Il faut donner au travail. Et il trouve une espèce d'équilibre contestera bien sûr Marx, contesteront Marx et Engels en disant lui, il ne croit pas à l'opposition des classes, il ne croit pas à la rivalité entre les gens. Il dit, on peut trouver un système, à la manière de Godin d'ailleurs, de l'industriel Godin, un peu familial, patriarcal, où encore une fois, c'est le travail qui est au cœur des choses. Ça va être le projet de tout ce patronat de la fin du 19e et absolument. Du tout début du 20e siècle. Hein, exactement. Cette espèce de mouvement qu'on a appelé paternaliste, mais oui. Qui en fait avait pour but d'améliorer la condition ouvrière. En exactement. Fait. C'était ça l'idée. Hein. Exactement. Et au fond, c'est l'industrie, c'est l'entrepreneuriat qui fait avancer les choses, et c'est bien sûr la science et le progrès qui l'accompagnent. Donc c'est le talent des hommes qui doit être récompensé. Et tout ça s'inscrit bien sûr dans un courant de pensée qui explose littéralement dans les années 1880-1890 oui. Et dont l'incarnation même se trouve être, j'allais dire, votre Jules Verne, bien sûr. Oui, hein. Oui. Jules Verne, c'est l'homme de la techné. Ah oui, absolument. Alors, c'est l'observateur d'un monde qui est en plein bouleversement, c'est quelqu'un qui s'empare de ses découvertes et qui a ce génie extraordinaire d'anticiper. Il ne fait qu'anticiper. On n'est pas dans la science-fiction. Le sous-marin, un exemple dont il parle, dans le Nautilus, tout le monde connaît, 20 milieux sous les mers, c'est quelque chose qui existe à l'époque, qui existait même avant, bien avant, au début même du 19e siècle. Mais lui, il le transforme qu'un outil de conquête des océans et des mers. Voilà. C'est cette capacité à transformer les choses. Et Jules Verne est l'illustration même de qu'est-ce qu'on fait du progrès. Qu'est-ce qu'on va le faire? On va le faire, on va en faire quoi? Et on peut en reparler tout à l'heure, peut-être. Alors justement, sur, pour ce qui est de Jules Verne, il y a quand même toujours un peu un décalage, un écart entre sa propre vie. Je crois qu'on peut dire de Jules Verne qu'il est le bourgeois absolu, lui, pour le coup. Oui. Et puis, un certain nombre des idées qu'il émet à travers toujours des innovations techniques, parce que c'est ça le cœur de son projet. Absolument. Alors oui, on pourrait dire c'est le bourgeois d'Amiens. Bon, on pourrait dire ça. Jules Verne, c'est quelqu'un qui en effet transforme, utilise la technique et les inventions pour lui aussi un projet qui n'est pas loin des utopistes ou du socialisme utopique, des Fourier, Saint-Simon, etc. Lui, il croit en effet que la science bien employée, parce qu'il va démontrer aussi dans certains romans que la science peut avoir les effets les plus néfastes possibles. La science bien employée, elle sert et elle profite à tout le monde. Pour un exemple, il conçoit dans Les 500 millions de la Bégum, qui est un roman pas très connu de Jules Verne, mais qui est passionnant, il conçoit un héritage énorme qui est partagé entre deux personnes, l'un qui est le mal, l'autre qui est le bien. Bon, alors c'est très manichéen, mais c'est comme ça. Alors le bien, bah, c'est l'époque, vous savez, on sort de la guerre 70, alors celle de 1870. Donc il y a l'allemand, hein, et puis il y a le français. Alors évidemment, le méchant, ça va être l'allemand, et le bon, ça va être le français. Et un bon professeur français conçoit une ville miraculeuse qui est très inspirée de Fourier et très inspirée de Saint-Simon, qui est Franceville. Et on retrouve les mêmes idées que Fourier et Saint-Simon. C'est fort, ça qui est extraordinaire. Oui. On y trouve la société propre, les rues sont pavées, on y met des grands arbres, on y met des cours intérieurs, on y met des jardins, toujours, etc. Hygiène, lumière, circulation, exactement. Et harmonie, équilibre. C'est absolument toujours les mêmes idées. Exactement, c'est les mêmes idées qu'on retrouve. Donc il va concevoir cette société. Et en face, il y a l'homme qui profite du progrès de la science, etc. pour imaginer le pire. Et il conçoit un canon monstrueux dont l'objectif est le dessin est de détruire Franceville. Donc c'est le mal qui veut détruire le bien. Donc on voit bien que Jules Verne se pose aussi ces questions-là. Il va moins loin sur le plan politique. Par exemple, il se pose pas tellement la question des relations de classe entre les riches, les pauvres, la classe, le prolétariat et le capital. Il se pose pas. Mais lui, il considère que le progrès de la science peut être le meilleur pour l'homme et ça peut être le pire. Et or, la question de la science et la question du progrès, ce sont bien sûr les grandes questions de cette époque. S'il n'y avait pas eu ce scientisme et cette foi dans le progrès, parce qu'il y avait une foi dans le progrès qui nous a un peu quittés à nos âges désabusés, si je puis dire. Mais à l'époque, on pensait que les innovations techniques qui se succédaient à un rythme extraordinaire allaient permettre à l'humanité de sortir d'une condition qui, jusqu'alors, avait été servile d'une certaine manière. Qu'allait-on faire de cette liberté? Comment s'organiseraient les liens entre les êtres humains? C'était des grandes questions qui se posaient, bien sûr. Et ces questions, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles sont bien, nous dites-vous, au cœur de l'œuvre de Jules Verne, finalement. Oui, absolument. Et vous les mettez, vous, ces questions, au cœur de votre propre œuvre, qui est une œuvre à la manière de Jules Verne. On y vient dans un instant. Européen au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire des grandes utopies du 19e siècle et le moins que l'on puisse dire cet après-midi, eh bien, c'est que cette émission vous fait réagir. Catherine vient de nous écrire sur europe1.fr. Bonjour. Charles Fourier était un utopiste, tandis que Jean-Baptiste André Gaudin, qui a fait Famille Lister, était avant tout un génie industriel qui avait un grand projet de vie pour le personnel de son usine, au-delà du travail. Mais son système coopératif n'a jamais aussi bien fonctionné que lorsqu'il était à sa tête, comme dans d'autres coopératives, coopératives viticoles actuelles dans le Mâconnais par exemple, ma région natale. Je suis très heureuse de vous entendre parler de cette histoire et j'avais hâte de savoir ce que vous alliez en dire. C'est signé Catherine. Eh bien, on voilà, continue d'en parler oui. Avec Jean-Michel Rioux qui est écrivain, romancier et auteur de 10 000 jours pour l'humanité. Alors, c'est vrai que Catherine a raison, le Familistère, il n'a fonctionné qu'un temps, mais il a un petit peu fonctionné quand même. On va y venir dans un instant avec Lorena Martin qui va nous faire visiter le Familistère de Guise. Là, pour l'instant, nous visitons le bel ouvrage de Jean-Michel Rioux. Vous avez finalement réalisé un fantasme d'écrivain, Jean-Michel, puisque vous avez écrit le livre que Jules Verne aurait pu écrire, et vous l'avez écrit un peu à sa manière, dans son esprit, avec sa verve, et puis en plus il se trouve que vous avez trouvé l'éditeur qui lui a donné la parure qui était celle des ouvrages de Jules Verne hein, dans la... La célèbre collection. Oui, j'ai commis comme Fourier un projet où je dis que j'ai entrepris le projet de commettre un roman. Oui, je me suis dit, au fond, si Jules Verne, il y avait que Jules Verne, à mon sens, qui pouvait répondre à une question de manière romanesque, à une question qui est, voilà, l'humanité est confrontée à un problème monstrueusement grave, même dramatique et même mortel, qui est un danger, un astéroïde qui fonce sur la Terre et qui va détruire cette planète. Et lui, qu'est-ce qu'il donnerait à l'époque comme solution pour surmonter cette difficulté ? C'est-à-dire que face à l'adversité totale, on dit souvent que l'espèce humaine prendra conscience de son unité le jour où il y aura des extraterrestres à rencontrer. Hein. Mais un peu de cette manière-là, devant le danger imminent, enfin imminent, il y a quand même 3 décennies, mais devant le danger de cet astéroïde qui va tout faire éclater, on décide de repenser le monde et de repenser Exactement. La société. Et Comment Jules Verne le... Jules Verne, il est très inspiré aussi par Fourier, Saint-Simon, etc. Et donc, au fond, finalement, est-ce que, encore une fois, c'est l'optimisme de cette fin du 19e, c'est extraordinaire. C'est, bon, on est confronté à quelque chose qui va nous tuer, à moins que. Voilà. En même temps. Si on va pouvoir construire des agora, alors voilà. Expliquez-nous ce que donc, ça... Donc, en fait, on peut peut-être surmonter cette danger mortel en construisant des agora, c'est-à-dire des cités souterraines, en utilisant toute la technique, on maîtrise déjà la fin du 19e, et au fond, en mettant sous terre 1,5 milliard à l'époque d'humains dans cette organisation. Alors évidemment, ça exige de créer des cités souterraines, mais extraordinairement organisées. Ou alors en déplaçant un tout petit peu la Terre pour que l'astéroïde ne vienne pas... Voilà. Ou alors en détruisant l'astéroïde avec des gros canons. Enfin, il y a toutes les possibilités. Il y a toutes les hypothèses et toutes les solutions possibles, tout du moins toutes les hypothèses. Et là, on est complètement dans l'univers de Jules Verne, hein, parce que déplacer l'axe de la Terre, bah, figurez-vous que ce sacré gaillard, il est imaginé dans un roman qui s'appelle « Sans dessus, dessous », où, comme quoi, c'est quand même, il a beaucoup anticipé de choses, pour pouvoir aller coloniser les terres du pôle Nord, dans lequel il subodore qu'il y a peut-être sûrement des réserves de au moins de charbon, eh bien, finalement, si on faisait fondre la calotte glaciaire, bah, comment peut-on faire ? Eh bien, on va déplacer l'axe de la Terre, et le soleil va rayonner, va donc faire fondre la glace, et on pourra aller coloniser, au sens de la colonisation des terres, ce pôle Nord. C'était l'homme tout puissant à l'époque face aux éléments. Exactement. C'est un peu l'inverse de nos théories d'aujourd'hui, où on essaie de s'effacer le plus possible. Exactement. On aimerait bien, en tout cas, parce qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a toujours Oui, mais je pense que si Jules Verne était vivant aujourd'hui, il se poserait la question de l'intelligence artificielle, de la pandémie, du nucléaire, et bien sûr du réchauffement climatique. Et je pense qu'il inventerait un roman en nous proposant une solution pour échapper à la succession de drames, voire de tragédies qui se profilent à l'horizon. Votre roman, Jean-Michel Rioux, qui est un petit peu le sien aussi, c'est 10 000 jours pour l'humanité et c'est édité chez Plon. Merci beaucoup, restez avec nous. Nous partons dans un instant pour le familistère de Guise, parce qu'il paraît que le standard est en train d'exploser. Depuis tout à l'heure, je dis le familistère de Guise. Comme et le duc, mais ça non. Ça se prononce de Guise, dont acte. Nous partons dans un instant pour Guise. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes depuis 14 heures au cœur de l'histoire des grandes utopies du 19e siècle. Nous avons découvert le phalanstère de Charles Fourier. Nous allons visiter maintenant le familistère avec Lorena Martin. Un familistère qui se trouve à Guise, non pas dans l'Oise, mais dans l'Aisne. Bref, on est parti tout à fait au nord. Au nord du département. Et donc, il a été créé, comme vous l'avez dit, par Jean-Baptiste André Gaudin, qui s'est inspiré du phalanstère de Fourier. C'était le créateur donc, de la manufacture des fameux poêles en fonte de fer. Et pour donc prouver les bienfaits les poêles de cette Gaudin, les poêles Gaudin. Et pour prouver les bienfaits de la société donc harmonieuse imaginée par Fourier, il décide, à partir de 1859, de créer son familistère. Et donc, c'est vraiment un site unique, une utopie réalisé et qui est une interprétation critique du phalanstère de Fourier. Il est en bon état déjà ce phalanstère. Il est en bon état, il se visite, donc je vais vous en parler dans un instant, il se visite, il est encore habité et donc il se situe à côté de son usine de poêles et donc c'est ni un phalanstère comme vous l'avez dit, ni une cité ouvrière, c'était une cité de 2000 habitants qui compte environ 500 appartements et les travailleurs qui faisaient partie donc, de l'association coopérative du capital et du travail participent à la gestion et aux décisions et donc ils deviennent propriétaires de l'usine et du palais. social. Copropriétaire, exactement. Et ce palais, donc, il comprend 3 pavillons d'habitation collective avec de nombreux équipements de service, des magasins, une buanderie, piscine, un jardin, des promenades, une crèche, des écoles, un théâtre aussi à l'italienne. Il y a notamment, en fait, à la différence du phalanstère, les activités économiques, culturelles, etc. sont séparées. On ne travaille pas dans le phalanstère, voilà, on y réside seulement et on s'y distrait. Voilà. Et par exemple, le groupe formé par les écoles et le théâtre est implanté en face du palais, à la place des bâtiments industriels du phalanstère. Il y vivait, lui, Gaudin, quand même. Il y vivait. Il y a son appartement, notamment, qui se trouve dans l'aile droite du palais, qui fait partie des appartements des travailleurs de l'usine. Et on y trouve aussi les économas qui proposent une alimentation équilibrée avec des produits de qualité. Donc, génial. Parce que tout était sur l'hygiène, comme vous l'avez dit, la lumière, etc. Tout était. Alors, il y a des gens qui aujourd'hui encore vivent dans le familistère de l'usine. Familistère, donc, est toujours partiellement habité, mais c'est aussi un musée, le seul musée d'ailleurs habité de France, qui est classé au monument historique, et on peut tout visiter ou pour comprendre bien sûr toute cette aventure. Ce sont près de 5000 mètres carrés d'exposition, et les visites sont libres ou guidées, et il y a même des expositions permanentes. Il y en a une jusqu'au 24 juin qui s'intitule « Des machines au service du peuple, Gaudin et la mécanique ». Alors, on a parlé un peu de ce familistère, je me rappelle d'ailleurs avoir eu l'occasion de le faire à ce même micro, à l'occasion d'une grande campagne de restauration qui a eu lieu, je ne sais pas, il y a quoi, une dizaine d'années dans à peu près. 2000, hein. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est 15 le programme peut-être Utopia. Déjà, mais oui. C'est le programme Utopia de restauration et de valorisation, et ils voulaient en faire un centre d'éducation et de diffusion culturelle. Ils vont notamment rouvrir un théâtre et toute une saison théâtrale à l'année depuis 2011 avec environ un spectacle par mois. Et ils prévoient aussi ce programme de louer quelques 70 appartements sur l'aile droite. Et en 2022, va ouvrir aussi un équipement hôtelier dans l'aile gauche. Alors là, vous nous reparlerez en temps utile de cet hôtel et de ses hébergements. Voilà un appartement sympathique, un des 70 appartements à louer. Voilà. Bah écoutez, s'il en reste un, je suis preneuse. Je tiens à signaler aussi qu'autour du 1er mai, ils ont l'habitude de célébrer aussi cette fête, puisque la première fête qui a été, le 1er mai qui a été célébré remonte à 1867. Et donc, il y aura des arts de la rue, des visites thématiques, des conférences. Il y a beaucoup de monde à chaque fois qui s'y rend. Merci beaucoup, Lorena Martin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Ah, aujourd'hui, c'est un retour aux origines d'une expression. Écoutez bien, être un as. Qu'est-ce que signifie cette expression ? Souvent, on l'utilise pour dire être le meilleur. Vous êtes un as de la radio, vous, hein, Franck Ferrand. Ouais, si vous croyez. Synonyme d'unique, d'exceptionnel dans son domaine d'exercice. Ça vient d'où le mot as ? Oh, bah, ça vient du latin, comme beaucoup de choses. As, assis. Hein, si vous citez le génitif, c'est l'idée d'unité. Unité, alors, dans toutes les mesures. Hein, poids, monnaie, etc. Et dans la Rome antique, l'as, c'était tout simplement aussi une monnaie courante. En 1174, le terme apparaît pour la première fois dans la langue française, et il s'agit de désigner la face d'un dé marquée d'un seul point. C'est-à-dire que quand vous jouez au dé, vous savez qu'à l'époque, on jouait énormément au dé. Hein. On continue d'ailleurs pas mal finalement, mais on disait l'as. Ah, voilà, c'est tellement plus phonique d'ailleurs. Et en 1546, sous l'influence de Rabelais, le mot va se développer comme un terme propre au jeu, c'est-à-dire que dès qu'il est question de jeu, de mise, etc., c'est le mot as qui est employé, non pas le mot un. Et voilà. Quel est le sens de cette expression, alors, être un as ? Ah, alors ça c'est un petit peu plus précis et récent. C'est une expression qui vient très largement de la guerre de 14, la guerre de 14-18, lorsque les anciens cavaliers sont devenus des aviateurs, n'est-ce pas ? Avec, gardant les techniques et les habitudes chevaleresques, bien sûr. La légende veut qu'entre deux combats aériens, les pilotes de cette grande guerre aient joué à toutes sortes de jeux de cartes, et notamment à la manille. C'est un jeu de cartes où l'as vient juste avant le 10. Or, lorsqu'un pilote abattait son 10e avion ennemi, eh bien, par principe, puisqu'il passait au-dessus, on disait c'était un as. Et voilà l'expression. C'est pour ça qu'on s'est mis à appeler ces grands pilotes de la guerre de 14. Et j'ai eu, moi, le grand honneur d'en interviewer un certain nombre à une époque où ils étaient encore en vie. On les appelait des as. On disait un tel, c'est un as. René Fonck, bien sûr, pour le plus célèbre, mais il y en avait beaucoup d'autres, Guynemer, etc. Et il y a même eu l'as des as avec Belmondo, mais ça, c'était au cinéma. C'est autre chose. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.